British Connection, l'émission rock qui égorge ta tête. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Eric Tessier et je viens vous parler de mon livre consacré à Vincent Fournier. Mais si, voyons. Ah, c'est vrai, vous le connaissez mieux sous son nom de jeune fille, Alice Cooper. Ah, ça y est, vous y êtes. Plaisanterie de ma part, mais surtout d'Alice Cooper, car au tout début, les organisateurs de concerts s'attendaient à voir débarquer une frêle chanteuse de folk avec sa guitare acoustique et une voix angélique. Au lieu de ça, ils avaient droit à 5 gaillards jouant un hard rock bruyant, les amplis à fond. Parce que bruyant, il l'était. Et parce qu'avant d'être le nom d'un chanteur, Alice Cooper était celui d'un groupe. 5 gars de Phoenix, Arizona, mais qui connurent le succès quand ils s'installèrent à Détroit, où ils jouèrent le rock'n'roll avec leurs copains du MC5 et des Stooges. D'où le côté bruyant. Le Alice Cooper Group s'est d'abord appelé les Earwigs, les perce-oreilles, puis les Spiders, les araignées, avant d'opter pour ce nom Alice Cooper. À l'époque, c'était rare de prendre un nom de fille et ça déstabilisait les audiences. Ça les émoustillait aussi. D'autant plus que les Lascars faisaient dans le théâtral et, entre autres, exécutaient à chaque concert leur chanteur en l'électrocutant sur une chaise électrique, en le pendant ou en le guillotinant. Le rock'n'roll rencontrait le grand guignol. Et puis, il y avait la musique, évidemment. Entre 1971 et 1973, le Alice Cooper Group a sorti 5 albums magistraux. Love It to Death, Killer, School's Out, Billion Dollar Babies et Muscle of Love. Le tout produit par un certain Bob Ezrin, qui faisait avec eux ses premières armes. Et quelles armes ! Il continuera d'ailleurs plus tard avec des gens comme Lou Reed et Pink Floyd au hasard. Durant cette période, 1971 et 1973, les Cooper étaient imbattables dans le genre. Le genre ? Bah, le shock rock, évidemment. Et ça donnait ça, Under My Wheels. Monte son, c'est British Connection. Thank you. Et ben voilà, Under My Wheels, tiré de Killer, 1971. Ah, ça envoie, hein, ça, y a pas de souci. Ceci dit, les tournées incessantes, le rythme soutenu du travail, hein, tout ça, ça commence à peser sérieusement. Une pause est donc nécessaire, pause qui s'avérera définitive. En effet, certains membres du groupe veulent faire leur album solo. Attention, leur dit Bob Ezrin, vous allez donner des idées à Alice. Et c'est ce qui se produit. Voyant que les autres y vont de leur production, Vincent décide alors de s'y coller aussi. Le problème, c'est qu'il a pris officiellement le nom d'Alice Cooper, reléguant ainsi Vincent Fournier aux oubliettes. Et quand l'enfant paraît, Welcome to my nightmare, c'est sous le nom d'Alice Cooper. Alors, groupe ou chanteur, le public, lui, s'en fiche, il achète. Et l'album, enregistré avec le groupe du rock'n'roll Animal de Lou Reed, quand même, fait un carton. C'en est donc fini du Alice Cooper Band. Bonjour l'artiste solo. Artiste solo qui va déployer une palette bien plus large que le groupe, de la balade de crooner au hard rock le plus furieux. Il traverse des hauts et des bas, aussi bien artistiquement que personnellement. L'alcool, la cocaïne. Pour cette dernière, il mettra longtemps à l'admettre, sans qu'on sache pourquoi, étant donné que pour l'alcool, aucun problème pour le dire. Enfin, il surmonte ses démons, lui qui le joue tant sur scène, le démon. Et après une certaine traversée du désert, il revient à la surface, reprend la place qui lui revient de droit, celle de créateur du choc rock. Un choc rock qui a fait des émules, dont un des plus célèbres est Marilyn Manson. Tiens, un chanteur qui prend un nom de femme, comme c'est original, ricane Alice. Il convient de signaler qu'Alice est un très grand parolier. Cette opinion n'engage pas que moi, puisque même Bob Dylan, prix Nobel de littérature, l'a dit. Et ce, depuis le début. Dans la chanson que nous allons écouter, Lost in America, le couple, c'est son surnom d'Alice Cooper, dresse un portrait saisissant d'une Amérique à la dérive, un véritable commentaire social. Et ce n'est pas le premier, loin de là. Par exemple, en 1971, Dead Babies évoquait la maltraitance des enfants et, en 1975, Only Women Bleed, celle des femmes battues. Alors, allons donc nous perdre en Amérique. Ça commence comme ça. Je n'ai pas de femme car je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture car je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot car je n'ai pas de voiture. Alors, je recherche une femme avec un boulot et une voiture. Tu ne sais pas où tu es ? Eh ben, tu es perdu en Amérique. British Connection, just rock. Mom and dad, is that think I've been had. Lost in America, lost in America, lost in America, lost. Lost in America, lost in America, lost in America, lost. You know where you are. Lost in America, Alice Cooper. Eh ben, il n'y a pas que l'Amérique qui était à la dérive, parce que juste à la fin du morceau, l'hymne national américain, il titube quelque peu, hein, il a pris un grand coup dans la tête, on dirait. Voilà, ben, ça c'est l'humour d'Alice Cooper aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension chez lui, c'est l'humour, hein, la critique sociale, l'humour, le gothique évidemment. Depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, Alice Cooper, donc le chanteur, a réussi à pondre encore des classiques, pas évident, avec une carrière aussi longue. Alors bon, des titres d'albums, Welcome to My Nightmare, dont j'ai déjà parlé, Dada, Trash, The Last Temptation, Brutal Planet, Detroit Stories, etc., etc. Après, bon, sa palette étant très large, comme je l'ai signalé, cela dépend des goûts de chacun. Par exemple, Dada et From the Inside sont plutôt des disques introspectifs, tandis que Raise Your Fist and Yell et Constrictor sont vraiment carrément du heavy metal, et Brutal Planet, ben là c'est plutôt du rock industriel, mais à chaque fois, c'est des réussites. On parle depuis des années maintenant d'une reformation du Alice Cooper Group, sans hélas le superbe guitariste Glenn Buxton qui nous a quittés. Cette reformation, bah, elle vient sans vraiment venir, puisqu'aucun disque nouveau n'est sorti jusqu'à présent. Bon, sur les derniers disques d'Alice Cooper, le chanteur, encore une fois, il y a bien un ou deux morceaux avec les autres, les trois qui restent. Mais voilà, ça s'arrête là. S'il y a quand même un live à The AstroTurf, où tout le monde est là avec le fidèle Ryan Roxy à la place de Glenn Buxton. Mais c'est tout. Le disque d'ailleurs est très bon, mais il est assez court. Par contre, Alice Cooper a monté un projet parallèle intitulé The Hollywood Vampires avec Joe Perry d'Aerosmith et Johnny Depp, projet qui compte déjà deux albums studio et un live au compteur. Toujours en activité donc, et visiblement pas prêt de raccrocher les gants ce qui est heureux. Le 25 août 2023 voit la sortie de son, album Road, La Route. Et c'est avec un extrait de cette nouveauté que nous allons nous quitter. White Line Frankenstein, le Frankenstein de la ligne blanche de la route, bien évidemment. Allez, je vous rappelle le titre de mon livre, Alice Cooper, le parrain du choc rock. C'est chez Camion Blanc. Et vraiment, je tiens à remercier Philippe et British Connection, l'émission rock, une émission telle qu'on les aime. Salut à toutes et à tous et White Light, Frankenstein, Alice Cooper. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Y'en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. British Connection, l'émission rock qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Salut, c'est Amandine des Pussy Miel, groupe de punky stoner dans les Landes. On est fan du film des 4 saisons des Spigoul, de Rock et de Ricard. Mes copines et moi, on ne manque pas d'énergie et d'humour pour vous faire vibrer lors de nos lives. Alors si on passe par chez toi, viens nous découvrir en concert. Voici notre premier titre sorti sur Bandcamp avec son clip sexy et rock'n'roll tourné sur la plage de Cap-Breton. Nous vous proposons d'écouter maintenant Porridge dans British Connection avec Philippe. No Dad, British Connection.